dévier du sentier de l'honneur est pour la femme mariée un crime inexcusable. Mais il est des degrés dans cette situation. Quelques femmes, loin d'être dépravées, cachent leurs fautes et demeurent d'honnêtes femmes en apparence, comme les deux dont les aventures viennent d'être rappelées, tandis que certaines d'entre elles joignent à leurs fautes les ignominies de la spéculation. Madame Marneffe est donc en quelque sorte le type de ces ambitieuses courtisanes mariées qui, de prime abord, acceptent la dépravation dans toutes ses conséquences et qui sont décidées à faire fortune en s'amusant, sans scrupule sur les moyens. Mais elles ont presque toujours, comme Madame Marneffe, leur mari pour embaucheur et pour complice. Ces Machiavel en jupon sont les femmes les plus dangereuses, et de toutes les mauvaises espèces de parisiennes, c'est la pire. Une vraie courtisane, comme les Josepha, les Schontz, les Malaga, les Jenny Cadine, etc., porte dans la franchise de sa situation un avertissement aussi lumineux que la lanterne rouge de la prostitution ou que les quinquets du 30 et 40. Un homme sait alors qu'il s'en va là de sa ruine. Mais la doucereuse honnêteté, mais les semblants de vertu, mais les façons hypocrites d'une femme mariée qui ne laisse jamais voir que les besoins vulgaires d'un ménage et qui se refuse, en apparence, aux folies, entraînent à des ruines sans éclat et qui sont d'autant plus singulières qu'on les excuse en ne se les expliquant point. C'est l'ignoble livre de dépenses et non la joyeuse fantaisie qui dévore des fortunes. Un père de famille se ruine sans gloire, et la grande consolation de la vanité satisfaite lui manque dans la misère. Cette tirade ira comme une flèche au cœur de bien des familles. On voit des Madame Marneffe à tous les étages de l'état social, et même au milieu des cours, car Valérie est une triste réalité, moulée sur le vif dans ses plus légers détails. Malheureusement, ce portrait ne corrigera personne de la manie d'aimer des anges au doux sourire, à l'air rêveur, à figure candide, dont le cœur est un coffre fort.